c'est un petit peu concernant votre parcours. Bah ouais. Vous avez pris le domaine quand, vous? Alors nous, on a créé en fait le domaine avec mon épouse en 2005. Ouais. On a repris donc des vignes qui appartenaient à un autre viticulteur qui avait décidé de produire plus de sauternes et un petit peu moins de graves et du coup qui, pour financer, a vendu quelques vignes en parfait état. Donc ça, c'était pour nous un point essentiel, d'avoir des vignes immédiatement capables de produire des vins de qualité sur des jolis terroirs. Parce qu'évidemment, on s'est installé, comme toute petite entreprise qui démarre, avec le système bancaire, on avait un très petit apport financier. Et donc, il a fallu bien jouer la carte système D. C'est-à-dire qu'on a trouvé un investisseur, on a monté un projet et on a réussi à intéresser non pas des banques, mais on a en fait réussi à intéresser une seule banque. En fait, clairement, toutes les banques se sont C'est vrai? opposées sauf une. D'accord. On dira pas Donc, qui, mais pardon? on dira pas quelle banque, Bon, je vais vous mais dire, c'était pour vous dire, c'était la BNP Paribas de ouais. Libourne et curieusement, 10 ans après, quand on a décidé de passer à la vitesse 2, c'est-à-dire à cette fois-ci construire un chai et s'installer définitivement là où nous sommes aujourd'hui à Eilat, parce qu'au début, en fait, on a loué une maison et un vieux chai qu'on avait un petit peu réhabilité pour pouvoir démarrer. Et ben, le jour où on a fait le projet de deuxième vitesse, le jour où finalement il y avait moins de risques puisque vous avez déjà des clients, vous avez déjà fait 10 ans de comment dire de production et de commercialisation, ils ont vos bilans, enfin il y a une histoire. Et ben la BNP, ça faisait plus partie de leurs objectifs que de financer les agriculteurs et donc du coup eux ils nous ont refusé le prêt et on a basculé vers une banque qui nous avait à l'époque refusé le prêt. Et cette fois-ci c'est le Crédit Agricole. C'est fou hein? D'accord, ouais. C'est fou hein? C'est Ils ont besoin d'être rassurés, hein. C'est toujours pareil, hein. ouais Il y en mais a qui osent prendre des risques et puis une fois qu'ils sont rassurés, ils bifurquent vers des. Enfin, nous, je sais qu'on avait eu un petit peu les mêmes choses et après, les gens sont beaucoup plus ouverts et nous, c'est pareil, hein. On n'avait pas beaucoup de banques qui nous ont laissé créer notre projet. C'est marrant parce que la ouais, BNP, je me doute, les ouais. seules qui nous ont laissé. Ce projet. Mais bon. Sachant que nous, on a un avantage pour faire des financements, c'est tout de même qu'on investit dans du foncier, essentiellement, notamment la vigne, et des bâtiments. Et donc, c'est des choses qui restent et en général qui perdent pas de valeur, voire qui auraient tendance à en prendre. Ouais. Donc, pour une banque, c'est plutôt rassurant et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à nous prêter des sommes importantes, quoi. Ouais. Et vous étiez avant de donc parce que le domaine il est tout récent finalement on a commencé à travailler ensemble presque à vos débuts aussi quand nous on Ouais, a commencé donc du coup, on a plein de clients qui ouais ont commencé avec nous sur le tout premier millésime, sur 2005. ouais Et j'en suis très fier d'ailleurs parce que s'ils ont commencé à nous suivre dès le premier millésime et qu'ils ont continué jusqu'à nos jours en passant par tous les millésimes, mmh. bon, c'est que Ah oui. on a dû réussir à trouver comment dire, un bon compromis. Et donc ça, on est quand même très content de ça. Vous voyez, notamment la semaine prochaine, je vais visiter quelques clients en Bretagne. Et dans les quelques clients que je vais visiter, il y en a qui nous ont suivis depuis le tout premier millésime. Alors aujourd'hui, il y a aussi presque carrément pour certains une relation plus d'amitié, quoi. Bah oui, c'est Il y a sûr. un lien affectif qui se fait, parce qu'on Bah ouais. forcément on commence à se connaître. On aura vécu quelques aventures et péripéties je sais pas moi, de millésimes compliqués ou de surprises commerciales ou voilà d'anecdotes hein, des uns des autres et du fait c'est la phase qui est beaucoup plus intéressante commercialement. Au tout début, vous voyez, quand on a commencé à commercialiser, il faut imaginer quand même que les premières fois, moi j'ai pris ma voiture, quelques caisses de vin et on ne fait que de la prospection. On n'a aucun client. C'est que des gens qui donc découvrent le château Vénus et vous leur dites ben écoutez c'est le premier millésime. Le château Vénus ça n'existe pas depuis 300 ans. Et là quand même il y a beaucoup de clients qui sont surpris parce qu'ils se demandent est-ce que c'est possible à Bordeaux? Voilà, c'est amusant. Ouais, complètement. Mais vous, avant de faire, avant d'avoir votre propre vigne, vous étiez déjà dans le milieu viticole, j'imagine, Alors, appartement? Emmanuel comme moi, en effet, nous étions déjà dans le domaine viticole. Alors, D'accord. on savait exactement vers quoi on s'engageait. C'est d'ailleurs probablement pour cette raison qu'on a pu avoir l'accord bancaire. Ouais. Donc moi, j'ai grandi au château Jeanfort à Saint-Émilion, Ouais. donc une propriété familiale suite à un mariage, la famille de notre. En fait, c'est que ça vient de mon côté maternel. C'est la famille De Wilde qui avait aussi à l'époque le château Ripaud à Saint-Émilion toujours. Donc c'était une grande famille, il y avait 9 enfants, une famille un peu fortunée, enfin même très fortunée. Et donc mon grand-père a hérité du château Jeanfort et Ripaud. Enfin, ça s'appelait Ripaud-Jeanfort. Et D'accord. puis la génération d'après, pour les successions, Ripaud et Jeanfort ont été séparés. Et donc du coup aujourd'hui, vous connaissez le château Ripaud et le château Jeanfort. Et encore pour des raisons de succession, les notaires de la génération qui me précède, de mes parents, ont fait des GFA. Donc c'est des groupements fonciers agricoles qui divisent en parts sociales ces propriétés viticoles. Et donc vous en connaissez la valeur de ces propriétés et il est clairement aujourd'hui quasiment impossible de faire succéder de façon familiale ces propriétés viticoles. Et donc du coup ça aboutit à la vente des domaines. Donc notamment moi j'ai grandi au château Jeanfort, c'était la part de ma mère puisqu'il y avait j'ai donc un oncle et une tante côté maternel en plus. Et là, évidemment, le domaine s'est vendu, comme ça arrive dans malheureusement un très très grand nombre de domaines familiales. D'accord. Donc j'ai grandi là, j'ai appris à cet endroit-là avec mon père, j'ai appris j'ai appris la notion de qualité, j'ai appris la notion de finesse, j'ai appris l'excellence des vins, en fait. Gamin, c'est des trucs on s'en rend pas compte, on sait pas trop hein, ce que c'est. Le vin, vous savez, quand vous avez 16 ans jusqu'à, on va dire peut-être 25 ans, franchement, c'est pas un produit qu'on aime. Enfin, moi, j'aimais pas ça. C'était pas, je prenais pas du plaisir à boire un verre de vin. Mais pour autant, j'ai eu l'occasion de voir plein de gens du monde entier visiter la propriété, découvrir ces vins-là et puis prendre du plaisir. Moi, j'ai préféré toujours le côté mécanique, les moteurs, les sensations. Voilà, vraiment un autre domaine. J'aurais d'ailleurs bien aimé être pilote, pourquoi pas, pilote automobile à mes 20 ans ou même à mes 16 ans. Mais c'était pas du tout le choix familial, parce qu'il y a aussi une pression familiale qui existe partout et dans tous les domaines. Genre, tu pourras pas être danseur ou chanteur parce que voilà, c'est des boulots de saltimbanque et ça rapporte pas, faut que tu sois docteur. Donc là, nous, c'était plutôt faut que tu sois viticulteur. Mais D'accord. toutefois, j'ai pu faire un à l'époque, j'ai pu faire un une formation un B, un c'était quoi? C'était un BEP en conduite et services dans les transports routiers. Donc c'était pas la formation que je voulais faire puisque moi je voulais faire le même genre de formation, mais sur la conduite automobile et les moteurs automobiles de course. Donc ça s'est orienté vers la mécanique diesel et le transport. Donc j'ai pu faire ça pendant 2 ans. Et puis après, la pression familiale m'a orienté ensuite un BEP BEP agricole, viticulture, œnologie, puis un bac, puis un BTS, et ainsi de suite. Et là, je me suis pris au jeu. Puis on grandit aussi petit à petit. Puis on se rend compte des choses que l'on a, du patrimoine, de cette culture qui est unique, franchement, qui est unique en France et en Europe. Et puis je me suis dit, finalement, ce métier, il n'est pas si mal parce que on se rend compte que bon, l'automobile, la mécanique, machin, c'est quand même, à un moment donné, c'est quand même clairement toujours la même chose. Ce sont des produits standards. Puis quand on a peut-être 25-30 ans, ça passe, hein. Je veux dire, c'est voilà. Et la viticulture, le vin, le monde du vin. Donc il y a une partie mécanique, fort évidemment. Il y a une partie passion. Il y a une partie terroir. Il y a le vin. Et puis il y a les voyages. Moi, j'aime beaucoup voyager Vous parce arrivez que avec votre métier à vous libérer du temps? mais de force entre guillemets, il faut aller voir les clients. Et donc du coup, j'ai pu aller au Japon, j'ai pu aller en Chine, j'ai pu aller aux États-Unis, j'ai Ah, pu super. voilà visiter. En fait, nos pays clients ou en prospection, du coup j'ai l'occasion d'y aller. Alors on n'y va pas évidemment en touriste. Ce sont Oui. toujours donc des voyages d'affaires. Mais enfin, quand vous débarquez à Shenzhen, à Guangzhou, ou à Tokyo, bon, on est quand même dépaysé, même si c'est pour un voyage rapide d'affaires de 2 ou 3 jours. C'est unique, hein, c'est unique. Et le vin, ça nous ouvre des portes extraordinaires, parce que dès qu'on est sur le grand export, les vins français et la France, on est vu comme l'élite mondiale de la qualité et des vins de terroir. Et on est reçu en fait comme tel. On a quand même l'impression d'être vraiment des ambassadeurs. Et donc je joue le jeu au maximum pour représenter au mieux nos vins et la France du même fait en fait. Donc ça c'est amusant. Ouais. D'accord. Mon épouse, elle, alors après, voilà un petit peu de mon côté. Et donc mon épouse, elle a des parents qui sont d'ailleurs toujours viticulteurs aujourd'hui, qui sont viticulteurs dans l'Entre-deux-Mers, donc sur Rosan. Et ils font pas le vin, ils sont uniquement producteurs donc de raisins et ils portent à la cave coopérative de Rosan depuis D'accord. toujours. Donc elle a toujours beaucoup connu la partie production, toutes les façons techniques nécessaires à amener des raisins de qualité. Elle a d'ailleurs, enfant, toujours beaucoup travaillé dans les vignes, ce qui lui a donné aujourd'hui, comment dire, cette endurance et cette force générale pour passer les étapes qu'on a à passer dans toutes nos entreprises. Le domaine familial, il n'y avait visiblement pas d'opportunité parce que son père est plus jeune et donc ils n'étaient pas prêts à basculer vers une production bouteille. Et Emmanuel, ce qu'elle voulait faire, c'est de la production bouteille et du coup commercialisation. Et donc du coup, le vignoble de côté de ses parents existe toujours, il est là. Mais pour le moment, c'est encore en cave coopérative et donc on ne sait pas. L'avenir nous dira si ça doit faire quelque chose un jour ou pas. D'accord. On s'est rencontrés en faisant nos études. Donc Oui. après, on a fait un, c'est là où on s'est trouvé. On a fait un BTS en viticulture et œnologie. Pardon, pas en viticulture, en commerce des vins et spiritueux. Franchement, pas un BTS très intéressant. Les interlocuteurs formateurs, j'étais un peu déçu. Moi, je voulais apprendre le comportement d'un client chinois. Je voulais apprendre comment on présente un produit pour qu'il réponde à des qualités marketing, à plein de choses comme ça. Et bon, ça n'a pas été trop le cas. C'était plutôt du niveau, à mon sens, BEP, genre il faut sourire au client, lui dire bonjour. Enfin voilà, c'était donc un peu juste à mon sens. Mais j'ai rencontré Emmanuel. Sans ça, Ah. il n'y aurait jamais eu Vénus. Donc, parce que c'est un projet qu'on a porté à deux. On s'est bien mis d'accord qu'on portait ce projet à deux et que Il était hors de question de lancer le projet, soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'était vraiment un projet pour deux. D'accord. Et d'ailleurs, par rapport à ce projet, que ce soit au moment de la création ou pendant, ou ben depuis 2005, est-ce que vous avez eu une anecdote rigolote, quelque chose un peu atypique qui vous a marqué, une épreuve Alors, sur ce, bon, j'ai pas forcément qu'il s'est passé des milliers de choses. Il y en a tous les jours et tout. Il y en a une marrante auquel on a pensé tout à l'heure là. Au tout début, alors quand on voit des images hein, du tout début et des images de maintenant, on se dit mais quel chemin parcouru. C'est vraiment c'est énorme. On n'avait rien. Et aujourd'hui, on a une vraie entreprise, une vraie image, des bouteilles, il y a tout ça. Et au tout début, la première année, le premier millésime, donc on nous prête un tombereau à vendange. Donc vous voyez, on n'avait même pas de tombereau à vendange pour ramener les raisins, dans notre chai. Ouais. Et il se trouve que ce tombereau à vendange tombe en panne, forcément. Il tombe en panne plein. Et il y a des systèmes pour vider le tombereau à vendange de façon automatique. C'est une vis sans fin, en fait, qui fait glisser le raisin, et après on va dans les rafloirs, le full aux pompes et la cuve. Donc on tombe en panne, donc je pense que les vendanges avaient été longues, puisque je me souviens très bien qu'il faisait nuit. Le deuxième tracteur était garé au milieu de la route, dans le petit quartier, et là, qu'est-ce qui nous arrive? La gendarmerie. Oh, Alors purée. évidemment, on était garé au milieu de la route, enfin les tracteurs n'avaient pas trop de lumière, tous les trucs un peu, vous voyez, les vieux tracteurs évidemment. Oui. Alors, il s'arrête aussi, on est en panne, machin, et les autres arrivent, on va prendre une prune. Mais non, comme quoi la gendarmerie nationale n'est pas toujours axée vers ça. Ils étaient très sympas, du coup ils se sont garés à côté, et puis les voilà qui arrivent avec ils ont des grosses torches, et les voilà qui nous filent un coup de main à éclairer, parce que donc on avait que dalle, on n'avait pas d'éclairage, on était en train de vider donc le tombereau à vendange à la main avec des seaux et pelles. Wow. Et ils nous ont éclairés pendant mais au moins 1 heure et demie, parce que c'est du boulot à Super. vider à la main. Super sympa. Et à la fin de tout ça, donc ça se passe bien, tout ça, bon, à la fin, vous êtes content que le tombereau soit enfin vide. Les gendarmes, bon, comment dire, ils auraient été contents d'avoir un petit peu quelque chose, quoi, une bouteille de vin, par exemple, quelque chose comme ça. Et là, ils ont cru qu'on se moquait d'eux, qu'on rigolait, sauf qu'on rigolait pas. On leur a dit, écoutez, on est désolé, c'est notre toute première récolte, c'est notre première vendange, et donc on n'avait pas une bouteille de vin. Le Château Vénus n'existait pas encore, c'était les raisins. Et alors on leur a demandé de revenir, on leur a dit, vous reviendrez l'année prochaine, à la même date, et on aura des bouteilles de vin pour vous, et voilà. Donc ils nous ont dit oui, et en fait on les a jamais revus. Mais c'était marrant, parce que ils sont partis en fait un peu dépités quoi, parce qu'ils ont passé 1 heure et demie avec nous à nous éclairer et tout. Ils se sont dit bon, peut-être même qu'ils se sont pas dit ça, mais bon, en tout cas, ce serait aujourd'hui évidemment qu'ils partiraient avec 2 3 bouteilles. C'était sympa, on était bien contents que quelqu'un nous tienne les torches. Bah, j'imagine, Et ça c'est rigolo. voilà, voilà une anecdote amusante. Ouais, c'est drôle. C'était drôle quoi, c'était quand même drôle. Hein. On le prend avec le sourire, avec du recul, mais sur le coup, Ouais, j'imagine, on rigole moins. sur le coup, je peux vous dire que, enfin, il y avait du boulot. Hein. Enfin, je veux dire, on a eu des choses comme ça. Il y a des histoires. Il y en a plein parce que, notamment les vendanges. Parce que les vendanges, c'est un moment où il y a un volume de travail qui est très important, où les enjeux sont très grands, et où on peut avoir besoin de vendanger très vite parce que le lendemain il va peut-être pleuvoir, ou parce que le lendemain la machine à vendanger n'est pas là, ou parce qu'on n'a plus un outil, ou parce que le personnel doit aller sur une autre propriété. On a des anecdotes comme ça où des journées ont commencé normalement, et puis 1 heure après le début de la journée, par exemple, encore une histoire de tombereau à vendange. Donc pour vous dire, j'en vendangeais avec un voisin, donc on devait récupérer son matériel et son tombereau à vendange. Lui, il avait grêlé, il avait pris les fermages un peu plus loin, et donc il vendangeait ses vignes en fermage. Les fermages, c'est une location. Le deal, c'était qu'on faisait un tour de raisin avec lui à son fermage, et puis dès que ses raisins étaient rentrés, on récupérait le matériel et nous, on faisait nos vendanges. Ok, donc pas de problème. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. À la première heure, un tombereau à vendange sur la route a éclaté. Plein, évidemment, ça n'éclate jamais vide. Donc le tombereau planté au milieu de la route, ça pèse 5 ou 6 tonnes, donc pour vous dire, la jante se tord et l'essieu s'enfonce un peu dans le goudron. Vous voyez, ça s'arrête comme ça. Et le jus coule évidemment par-dessus bord du tombereau, puisque le tombereau penche pour arranger le truc. Et ben ça, ce petit incident tout bête, ça a mis. Donc parce qu'après il faut réparer tout ça, donc ça prend vite 2 heures. Sauf qu'entre-temps, l'entrepreneur était déjà en train de vendanger à Vénus. Donc on a dû déplacer le matériel d'une propriété à l'autre, une fois d'un sens, une fois de l'autre, faire nos vendanges, ramener le matériel sur la troisième exploitation, et la journée de vendange s'est finie à 5 heures du matin. Et Quand à même. 5h15 du matin, l'autre exploitation commençait à vendanger. Waouh. Il y a des journées comme ça. Et donc, quand vous finissez à 5h, votre journée pendant les vendanges recommence de toute façon le lendemain matin à 7h. Donc, quand il y a des journées comme ça, je peux vous dire que c'est chaud. Et voilà. Alors ça, il y en a beaucoup moins maintenant, parce qu'on est de mieux en mieux forcément équipés, organisés, puisque bon, mais voilà, déjà on a un bâtiment, on est sur place, il y a donc plus de transport. Voilà. Mais au début, il y a des petites choses comme ça. Comment dire, ça laisse des souvenirs. Voilà, ça laisse des J'imagine. souvenirs. Ouais, c'est des bons souvenirs. C'est ce qui fait, ouais, c'est ce qui laisse une belle trace et les bons moments finalement. Ah oui. Quand on en chie le plus, c'est drôle de se rappeler tous ces petits moments-là, quoi. Et puis ouais, et puis vous appréciez beaucoup beaucoup beaucoup mieux après le confort et les avantages Ouais. de tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. Je veux dire, aujourd'hui j'ai un chai qui a rien d'extraordinaire, hein, mais enfin j'ai un chai en lisse. Où n'importe quel outil, pompe, élévateur roule, il n'y a aucune marche, il y a de l'espace, il y a des robinets d'eau partout pour nettoyer les quelques gouttes de vin qui peuvent salir. En fait, on travaille 2 fois plus vite avec 2 fois moins de fatigue et un Parce que résultat probablement meilleur. bah ouais, se servir aussi de ces mauvaises expériences pour les années suivantes, s'améliorer, quoi. Oui, ça c'est sûr que aussi dans la conception du nouveau bâtiment, toutes ces petites expériences ont été prises en compte pour dessiner et organiser notre outil de travail d'une façon plus efficace et plus pertinente. Et on aurait commencé notre activité avec de l'argent. On aurait donc conçu un chai dès le départ, probablement. On l'aurait probablement pas du tout conçu comme ça, Ouais, et c'est ça. peut-être qu'aujourd'hui on réfléchirait à le refaire. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, par rapport au vin, puisque nous, on est très orienté sur votre grave rouge, après la gamme de vin, vous la faites évoluer. Je sais que le blanc, nous, on l'a découvert un petit peu plus tard. Vous l'avez mis en place un petit peu plus tard, le grave blanc? Oui, alors en fait, à l'origine, donc c'était donc Château Vénus rouge. Ensuite, en 2010, on a fait le premier millésime d'Apollon. Apollon, qui est la grande cuvée haut de gamme, en rouge toujours, grave rouge, qui commence à être distribuée petit à petit dans un certain nombre de restaurants étoilés, qui va être en Russie dans l'hiver, qui est déjà aux États-Unis, qui est à Nouméa. Enfin, ça commence à être en plein développement. Et puis en 2013, on a fait le blanc. Donc jusqu'alors, on n'avait pas de blanc. On a d'ailleurs planté quelques vignes en blanc encore sur ce printemps-là. Et donc, parce que les graves, c'est évidemment très connu pour ses rouges, mais aussi pour ses blancs. Et donc, on s'est dit quand même, on aurait peut-être intérêt à étoffer un petit peu la gamme et à présenter des blancs. Donc là, c'est des blancs avec une base Sauvignon-Sémillon. C'est des blancs donc de Bordeaux qui n'ont pas du tout de vocation au vieillissement, hein. L'idée, c'est de boire des vins blancs jeunes, sur le côté fruité, souple, croquant. Voilà, à boire à boire quand on veut prendre un verre avec un copain ou des copains en apéritif ou sur quelques fruits de mer. Enfin, ce sont des vins simples et gourmands de plaisir. Voilà. Et sur le grave rouge que nous on travaille le plus, vous voilà, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce vin? C'était quoi l'idée Alors, moi, ce que je voulais surtout pas faire, quand on s'est dit qu'on s'installait pour faire du vin, ce que je voulais surtout pas faire, c'est faire des vins pour lesquels qui soient qualifiés par les œnologues comme étant des bêtes de course et des vins extraordinaires, mais qu'en fait les consommateurs apprécient parce qu'on leur a dit que c'était très bon, mais finalement on se rend bien compte qu'ils en boivent un verre ou deux verres. Parce que ben après, finalement, c'est trop puissant, trop tannique, trop alcooleux, ou tout simplement pas à leur goût. Ce que je voulais faire, c'était des vins de plaisir, mais dans vraiment le sens plaisir. C'est-à-dire que vous servez un verre de vin, vous avez une explosion de fruits, des tanins très soyeux, très ronds, croquants. Et donc, du coup, vous buvez un verre sans vous préoccuper de est-ce que ce vin, j'aurais dû le carafer, pas le carafer, l'ouvrir plus tard. Nos clients, on le sait, quand ils achètent une bouteille de vin, la majorité, ils la consomment très très rapidement. Et il faut donc que notre vin se présente sous le meilleur des angles, le jour où ils vont l'ouvrir, donc rapidement. Donc c'était une condition obligatoire dans l'élaboration de nos vins. Et donc Vénus est vraiment dans cette illustration-là. Et ça représente 85% à peu près de notre production, en fait, hein, Château Vénus. Ouais, complètement. Avec du C'est vraiment vieillissement en le... fût toujours. Ouais, élevage en fût, avec à peu près 20-25% de fût neuf. Ça va dépendre un peu des millésimes. Ça dépend si vous avez des millésimes avec un peu plus de structure ou un peu moins. C'est un peu délicat d'ailleurs des fois à ajuster parce que il y a des millésimes qui ont une prise au bois qui est plus rapide que d'autres en fait. D'accord. Donc, mais bon, on se débrouille. Ça c'est notre domaine après. Oui, c'est votre alchimie. C'est ça, c'est notre alchimie à nous. Il y a une, en fait, il y a les fameux assemblages qui sont typiques du Bordelais. Qui nous permettent justement d'ajuster, par exemple, des vins qui vont être plus fruités, avec des vins un peu plus tanniques, et des vins qui vont être plus boisés, d'autres moins boisés. Et donc, en mélangeant de façon juste ces différents lots, donc ça s'appelle l'assemblage, on va réussir à tirer le meilleur de chacun de ces lots. C'est-à-dire qu'il y a des lots qui vont par exemple être très fruités, mais il y aura zéro structure derrière, et donc une bouche courte, et c'est pas intéressant. Alors que vous allez trouver des lots qui, eux, n'auront pas de fruits, mais une longueur en bouche. Et donc, quelquefois, en assemblant ces deux lots, vous pouvez tirer le meilleur de chacun. Et trouver, donc, le résultat de l'assemblage, théoriquement, doit être meilleur que le meilleur des lots pris séparément. Et dans le Bordelais, il y a souvent des œnologues conseils. Est-ce que c'est vous qui faites votre propre assemblage? Est-ce que vous avez un œnologue conseil qui vient un peu en Alors moi j'ai soutien? un œnologue conseil qui est attitré, donc qui fait la partie dégustation, mais aussi la partie laboratoire, les contrôles de fermentation, toute la vie du vin, la maturité, toutes ces choses-là. Et j'ai aussi un très très bon ami, Fabien Vecchiato, qui lui est œnologue et avec qui on aime bien déguster. Ensemble pour justement affiner ces assemblages. Et ce qu'on fait, c'est qu'on déguste en général deux fois, une fois avec lui et une fois avec mon œnologue attitré, pour voir si on retombe bien sur les mêmes idées et si l'un ou l'autre des groupes a entre guillemets a mieux travaillé et a trouvé un meilleur résultat. Mais après, la décision finale, hein, quoi qu'il advienne, elle appartient aux viticulteurs, parce que en fait, ni l'un ou l'autre des œnologues ne prennent une quelconque responsabilité. En fait, ce ne sont que des conseils, donc des très bons conseils, certes, mais ce sont des conseils et c'est vraiment à nous, à un moment donné, de dire bon, ok, je fais cet assemblage où je mets 5% de plus du lot de Merlot de la pièce Julie, par exemple, parce que moi je pense que c'est meilleur. Voilà. Ou moi je préfère. Voilà. Ouais. C'est une histoire de goût quand même aussi, hein. Faut que le vin il Exactement. vous plaise, hein. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, pour les quelques petits mots, qu'est-ce que dirait votre entourage de vous? Comment ils vous décriraient? Pourquoi on vous imagine derrière ce J'espère vin? qu'ils sont pas trop méchants avec moi. Alors, comment dire, des fois, quand même, je suis pas toujours très patient. D'accord. J'aime bien les choses, j'aime bien les choses bien rangées. J'aime la précision. J'aime quand les choses avancent, donc des fois je suis pas toujours tendre quand c'est pas bien en ligne comme je veux. Ouais. Mais après, avec Emmanuel, on peut dire qu'il y a un côté travailleur acharné permanent. On se rend bien compte, d'ailleurs, nos amis, nous on a l'impression qu'ils travaillent jamais en fait, alors que pourtant ils travaillent. Et Ouais, je comprends. du coup, on se voit pas beaucoup parce que, ben, en fait, à chaque fois qu'ils vous invitent et tout, je dis, ah oui, non, mais excuse-moi, on a une dégustation. Ah oui, mais je suis en voyage en Belgique. Ah oui, mais c'est les vendanges. Ah oui, mais on n'arrivera pas avant 8 heures parce que, voilà, en fait, on fait que travailler. Donc, Ouais. on va essayer de faire en sorte, d'ailleurs, de peut-être travailler un tout petit peu moins, avoir au moins un jour par semaine, vous voyez. Donc voilà, donc on a ce côté-là vraiment, on peut dire, mais aussi on a le côté le côté accueil, où nous on aime beaucoup ça, accueillir les clients sur la propriété, partager nos vins avec les différents clients, avec donc que ce soit des professionnels ou des particuliers, on aime recevoir. Moi j'apprécie beaucoup passer un dimanche midi avec une dizaine d'amis, faire un bon barbecue, boire du vin et se raconter des histoires. Voilà un Parce que je peu. trouve qu'on ressent le côté généreux épicurien à travers le vin. Moi, j'ai ce côté-là qui me parle et le côté très convivial à travers le vin. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup. Et en même temps, du caractère. Et en même temps le caractère, c'est ça. Donc les mauvais jours, des fois, faut marcher plus près des murs, et puis après, sinon, le reste du temps, ça va. Mais je dirais que c'est plutôt Manu, hein, qui est comme ça. Ah bon, Moi, j'ai quand elle n'est même pas pas là, tant de la défauts cliente. que ça. Non, Elle est à côté de vous? elle est pas là. Ah, Elle c'est pour travaille à la ça. banque le matin. Parce Ah, qu'en fait, Manu, depuis le début, alors au début, donc on s'est rencontrés étudiants. Après, on a travaillé un peu à l'étranger, en Californie, dans la Napa Valley. Avec tristesse, a un peu brûlé là cette année. J'espère qu'ils vont réussir à redresser tout ça assez rapidement. Et puis après, on a pu travailler dans la Barossa Valley en Australie. Alors, tout ça a duré une année, vous savez, entre les études et puis en gros, on commence à travailler. On a travaillé pour d'autres viticulteurs du Bordelais pendant 2 ans. Et puis un jour, on s'est dit, c'est bon, moi je veux pas être second exploitant ou maître de chai jusqu'à la fin de mes jours. Soit on se lance, soit on fait autre chose. Et c'est là qu'on s'est lancé, en fait, avec Château Vénus. D'accord. Donc, et là, j'avais 27 ans, et donc Emmanuel, 25 ans. Ouais. Et donc, au début, évidemment, pendant 2 années, vous n'avez rien à vendre. Vous faites que travailler et dépenser de l'argent, et vous n'avez rien à vendre. Donc, Emmanuel a toujours travaillé à la Banque Courtois, et elle a toujours gardé jusqu'à aujourd'hui ce poste. Qui au début permettait de subvenir clairement à nos besoins de vie. Et puis aujourd'hui, bon, ben, je crois qu'elle s'y plaît. Alors, voilà, on verra si un jour elle décide de se consacrer à 100% à Vénus. Parce que là, en fait, si vous voulez, elle fait 50% de son temps à la banque. Et puis après, elle fait 100% à Vénus. Et D'accord. comme elle travaille beaucoup, ça peut pas faire une addition à 100. Oui. Donc voilà. Et donc tous les matins, et c'est pour ça que le matin, souvent quand vous nous appelez, vous tombez face à un répondeur et qu'elle vous rappelle l'après-midi. Voilà. OK. Voilà. Et dernière petite info, parce que je pense qu'après vous avez le CVB là qui va Ouais, arriver. ils sont pas encore là, mais ils vont. vont pas tarder, je pense, en effet. Est-ce que vous avez voilà, un dicton, un adage, un proverbe, quelque chose qui vous représente bien? Ah oui, j'ai vu, ouais. C'était dur, si vous n'en avez pas, c'est Alors, on n'a pas pas de dicton, de proverbe ou de grave. Ou que vous chanson. aimez bien, un truc qui... On a un clin d'œil marrant que vous connaissez, qui dit que quand on boit du Château Vénus, à la Saint-Valentin, on n'a plus de problème en amour et que tout va bien. Très Mais bien. C'est bien ça. c'est bien, c'est rigolo. Nous, Ouais. on est, moi, je suis pas un poète ou un rêveur, hein. On est des travailleurs. Mais toutefois, je prends un plaisir extraordinaire à faire rêver nos clients, à leur transmettre notre passion. Et je vous invite à aller voir, si ça doit être un film, à aller voir le film Bienvenue au Château Vénus, qui est mis en ligne sur YouTube depuis quelques jours. Ouais. Donc vous tapez Bienvenue au Château Vénus ou Château Vénus, vous me voyez tomber sur ce film. Il n'est pas encore trop bien référencé parce que c'est vraiment tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Et vous regardez ce film qui dure 2 minutes, qui est une illustration parfaite du travail que l'on réalise, du terroir, du vin et des clients. Voilà. Et c'est, à mon sens, une très belle image. Regardez-le, vous allez Bah, voir, vous avec allez être plaisir. ravis. Avec plaisir, on va regarder ça. Et merci beaucoup, Bertrand, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et voilà. Et Je suis franchement, ravie de merci pouvoir de discuter nous avec vous. représenter, de faire ressentir à vos clients ce qu'on fait. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est... Ben, ça paraît important, Voilà. nous aussi, on est une petite structure et on évite de tomber dans certains pièges et quand on peut, voilà, notre but aussi c'est de transmettre une passion du vin et c'est bien moi je trouve de pouvoir échanger avec vous parce que ça nous permet de comprendre. Alors on a forcément des idées parce que il y a des contacts, donc c'est davantage Guillaume qui est en contact avec vous, mais c'est bien de pouvoir discuter un peu avec vous parce que on a une idée. Moi, j'aime bien toujours imaginer qui se cache derrière la bouteille, quel est le produit, le vigneron et la personnalité. Et je trouve que c'est vrai que le vin que vous faites est bien à votre image. Eh bien, merci beaucoup. Ben, c'est On va moi. continuer à le faire, hein. Ouais, avec grand plaisir, on continuera à le boire. Merci beaucoup, c'est très À gentil. bientôt, À Bertrand. très Et puis, bientôt. Travaillez bien et j'ai s'il y a une dérangé Emmanuel, question, j'ai pas fait voilà. attention, je savais pas qu'elle était en banque, elle m'a dit oui, je suis au travail. Donc, je m'excuse par avance parce que j'ai appelé malencontreusement Emmanuel tout à l'heure. D'accord. Oh, mais c'est rien, elle a l'habitude, hein. Ah bon? Bon, Elle n'est bah, pas obligée de c'est. décrocher si elle peut pas décrocher, vous voyez. Ça marche. Merci Bon, beaucoup. bonne journée, à bientôt. Vous aussi, à bientôt. Au Au revoir. revoir.